Chapitre deuxième. Le baron Otto de Lützen, père de William et de Marguerite, avait un frère cadet nommé Sigismond. Ce frère, jaloux des privilèges dont le droit d'aînesse le dépouillait, avait chaleureusement adopté dès leur apparition les idées libérales qui ne devaient faire explosion que plus tard, en 89. Malheureusement, ces idées de régénération sociale, perdant de leur grandeur sous les misérables calculs de l'égoïsme, ne tardèrent pas à développer chez le cadet philosophe les dispositions natives d'un caractère farouche et vindicatif. Sous le prétexte de dévotion à ses idées démocratiques, mais en réalité pour ses doubles florins, il avait épousé l'unique héritière d'un négociant de Hambourg. Il pouvait être heureux, mais Sigismond n'était pas un homme à vivre longtemps à la même place. Après 2 ans de ménage, il quittait l'Allemagne, emportant avec lui la fortune de sa femme, et la malheureuse victime de ses égarements mourait bientôt de désespoir au château de Lützen, dont les maîtres s'étaient empressés de la recueillir. Cette regrettable jeune femme laissait un fils dont le chevalier, déjà aux prises avec les conséquences de son inconduite, c'est-à-dire avec les expédients les plus équivoques, s'inquiéta d'autant moins que la baronne, en lui annonçant qu'il était veuf, ajoutait « Tranquillisez-vous sur le sort de votre enfant. Rien ne lui manquera. Je serai pour lui une seconde mère. » Un autre eût été touché de ce procédé. Sigismond n'y trouva rien qui fût digne d'un remerciement. Il taxa d'orgueil la grandeur d'âme d'Otto et de sa belle-sœur. Peut-être même considéra-t-il ce qu'ils avaient fait et comptaient faire encore comme une satisfaction donnée à leur conscience qui devait, suivant lui, leur reprocher comme un crime ce privilège de l'antériorité dans l'ordre des naissances, lequel ne lui permettait pas d'être l'égal de son frère. Néanmoins, un sentiment plus fort que l'animosité de Sigismond neutralisa, vis-à-vis de son aîné, les effets de cette colère, et 10 années s'écoulèrent sans que l'on entendît parler du chevalier de Lützen. Pendant ce temps, la révolution avait suivi son cours et fait son œuvre. Sigismond, engagé comme volontaire, suivit avec enthousiasme Bonaparte en Italie. Grandi à ses yeux par son active participation au triomphe de l'armée républicaine, le citoyen Sigismond revint à Paris en 1797 avec les épaulettes de capitaine, mais aussi avec un œil de moins et le bras gauche mutilé. Ce qui, disait-il, en rajeunissant le mot de Cervantes, fait le plus grand honneur à mon bras droit. Rendu bientôt à la réalité d'une existence qui n'avait été qu'une fièvre chaude incessante, le gentilhomme républicain frémit en constatant la précaire situation que lui offrait le présent. Ses goûts ne s'étaient point modifiés, mais pour les satisfaire, son revenu était bien mince. Que faire? Que devenir? C'est alors que Sigismond se rappela qu'il n'était seul au monde que parce qu'il le voulait bien. Il écrivit au baron de Lützen. Otto venait de mourir. Le chevalier intima aussitôt l'ordre à sa belle-sœur de lui envoyer son fils et Hermann, beau jeune homme de 15 à 16 ans, portrait vivant du chevalier, et qui ne demandait pas mieux que de fuir la cage dorée où ses instincts de moine offrant commençaient à se sentir à l'étroit, quitta le sombre manoir sans regarder en arrière. Tout au plaisir que lui promettait le terme du voyage, il parut ne regretter rien ni personne. Des jours, des mois, des années se passèrent sans apporter de ses nouvelles. Et la baronne descendit dans la tombe avec la crainte d'avoir comblé de tendresse un ingrat. L'éducation qu'il avait reçue donnait à Hermann ainsi qu'à tous les jeunes gens élevés par des femmes un cachet particulier d'élégance et de distinction. Par malheur, cette grâce empruntée à un autre sexe n'était qu'un vernis peu solide. L'exemple, autant que les railleries de Sigismond et de ses amis, trouvèrent en ce jeune homme un sujet facile à former. Ce mélange de politesse aristocratique et d'opérations vulgaires, brutales même, s'unissant à une figure sur laquelle brillait de tout son éclat cette fleur divine et parfumée qui annonce la jeunesse, fit bientôt de Hermann, aux yeux d'un certain monde, un cavalier parfait. Les succès ne lui manquèrent pas. Les femmes se disputaient ses hommages avec l'ardeur que mettent certains hommes à captiver l'attention d'une coquette à la mode. Sigismond, déjà vieux, se mirait et s'admirait dans son fils. Le nom de Lützen, se disait-il avec orgueil, ne s'éteindra pas dans les annales de la galanterie parisienne. Je laisserai un successeur digne de moi. Mais hélas, qu'il faut peu de temps à la flamme corrosive des passions pour flétrir un visage ou rayonner naguère l'apparence des sentiments généreux. aventures scandaleuses, duels, orgies folles, dissipations de bien d'autrui, tels furent les exploits d'un homme pour qui ses 20 ans étaient encore une excuse, mais que l'on voyait se précipiter à grands pas vers l'abîme où le crime et l'infamie attendent ses pareils. Loin d'arrêter son fils, le chevalier de Lutzen faisait pour ainsi dire des désordres d'Hermann la satisfaction des coupables penchants auxquels il ne pouvait plus se livrer lui-même. Il le poussait avec une ardeur infernale dans cette voie honteuse, et lorsque le jeune homme, rappelé par les murmures de sa conscience aux sages enseignements qu'il devait à la baronne de Lutzen, hasardait une observation, Sigismond, comme dans les délires d'une ivresse incessante, ne manquait pas de répondre « Est-ce ma faute ? Pourquoi ne m'a-t-on pas traité en gentilhomme, quand je l'étais ? Hôte devait-il avoir tout et moi rien ? Qui l'empêchait de partager loyalement avec moi l'héritage de nos pères ? Mais non, des aumônes, des humiliations, la charité, n'étais-je pas du même sang ? J'ai fait des sottises, tant pis, c'est à lui seul qu'il faut s'en prendre. Cependant, mon père, quand vous m'appelâtes à Paris, ne pouvais-je apprendre un métier ? Il nous servirait aujourd'hui. Hein ? Plaît-il un métier ? Allons donc. Certes, je ne méprise pas les professions manuelles, je suis démocrate, je l'ai prouvé. Mais travailler, quand nous avons des parents qui, sans l'avoir plus mérité que nous, vivent dans l'abondance et l'oisiveté ? Jamais, plutôt la mort que l'esclavage. Peut-être alors faudrait-il nous adresser à ma tante, à mes cousins, dont la bonté d'âme, la bonté. L'orgueil, oui, c'est par orgueil qu'ils ont recueilli ta mère et toi. Eh bien, cet orgueil, je ne veux plus qu'ils soient satisfaits à nos dépens. Je ne leur demanderai jamais un sou. D'ailleurs, qu'est-ce qui nous manque ? N'avons-nous pas ma solde que je fais valoir ? Dieu merci, assez agréablement aux 30 et 40. Ah, dame, la chance n'est pas toujours de mon côté, mais si, au lieu de faire le muscadin toute la journée, monsieur voulait essayer un peu lui aussi pour voir, deux chances valent mieux qu'une. » Comme péroraison, le vieux mauvais sujet, jetant devant lui par un mouvement qui tenait à la fois de l'ivrogne et du gentilhomme, un écu ou deux, selon ses moyens, se dirigeait, en sifflotant quelques brimes de la Marseillaise, vers le fameux 113 au Palais Royal. Et le fils d'un tel homme, resté seul en face de la tentation, chassait ses derniers scrupules en s'écriant « Au fait, le vieux a raison. » Encore 5 ou 6 ans de cette misérable existence, et Dieu, qui avait peut-être décidé qu'Hermann ne devait pas finir ainsi, rappela à lui Sigismond. Il était temps, le père et le fils allaient être compromis dans une affaire de jeu où la justice devait intervenir. C'est alors que William de Lutzen, s'inspirant de la tendre commisération qui animait sa sœur, écrivit à leur malheureux cousin, qu'il n'avait pas revu depuis 12 ans, une de ses lettres, qui ne devait jamais oublier ceux qui le reçoivent.